Orsolia Jurfey. Orsolia Jurfey est directrice générale par intérim et membre du conseil d'administration de Children's Health Defense Europe, une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de préserver la santé des enfants. La Hongroise a étudié l'économie en Angleterre et a d'abord travaillé comme consultante en développement organisationnel dans de nombreuses multinationales. Elle a ensuite occupé le poste de responsable des technologies de l'information pour les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique au sein du conseil d'administration d'une multinationale américaine. Sa vie a pris une autre tournure en 2007, à la veille de la crise économique mondiale, quand elle a pris conscience de l'ampleur de la corruption. Depuis 2010, elle travaille comme PDG de la maison d'édition Perseus. Outre des livres anthroposophiques, cette maison d'édition publie des ouvrages et des écrits sur le 11 septembre. Elle est coéditrice et collaboratrice d'un mensuel international intitulé « The Present Age, l'âge actuel », qui s'engage à promouvoir la science de l'esprit dans les domaines de la politique, de la culture et de l'économie. Outre son engagement au sein du CHD, elle collabore avec plusieurs organisations, dont Doctors for COVID Ethics. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter Orsolia Jurfey lors d'une interview exclusive qui a eu lieu lors du congrès de la CHD à Budapest en novembre 2022. Je viens de Hongrie et je travaille maintenant pour Children's Self Defense. Je travaille avec eux en Europe pour faire fonctionner l'organisation européenne. En effet, aux États-Unis, Children's Self Defense a travaillé et agi dans les domaines des dommages causés par les vaccins chez les enfants, de l'environnement toxique et d'autres domaines qui influencent nos vies. Les connaissances qu'ils ont accumulées au cours des 10 dernières années sont énormes. Les connaissances qui ne sont normalement pas publiées ni accessibles sont énormes. Nous devons les apporter et les rendre absolument accessibles en Europe. Et nous devons sensibiliser les gens à ce qui se passe réellement avec Big Pharma, avec Big Tech, qui introduit la 5G, qui nuit manifestement aux gens. Ou quand on regarde ce que font les grands groupes pétroliers et qui ruinent notre environnement, les grands groupes. Si on considère chaque domaine de nos droits individuels, les droits de l'homme, tout disparaît. Cela va à l'encontre de ce que cela devrait être et de ce que les droits devraient signifier dans un environnement démocratique, dans un environnement vraiment démocratique, y compris en Europe. Et d'une certaine manière, l'Europe traverse une période vraiment difficile. Les forces qui tentent de prendre le pouvoir, qui tentent de prendre le pouvoir sur les personnes, sur les biens, sur les ressources, sur les systèmes, ces forces ne respectent rien. Elles portent vraiment atteinte à l'accord social que nous avons tous. Et en Europe, cela prend différentes formes. En ce moment, les problèmes de ressources, le problème énergétique que nous avons maintenant. La guerre en Ukraine, qui se poursuit sans qu'un processus de paix soit installé et mis en œuvre, détourne l'attention de toutes les autres choses. Mais nous savons très bien qu'il prévoit de continuer avec les prétendus vaccins, avec la tyrannie médicale. Si on regarde les plans et les feuilles de route de l'OMS, si on regarde les déclarations de la Commission européenne, il est clairement prévu de faire renaître les situations d'urgence et la crise médicale comme prétexte. Car nous savons et avons appris au cours des 2 dernières années que ce ne sont pas de vrais problèmes ni de vraies situations. Elles sont créées par une propagande extrême. La vérité est dissimulée et ils déforment la réalité de manière à servir leurs intérêts. Vous nous avez déjà parlé des développements actuels en Europe, qui sont très complexes. Comment les affronter pour relever ces défis ? La situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement n'est pas apparue du jour au lendemain. Goethe a dit « Celui qui dort dans la démocratie se réveille dans la dictature ». Et c'est exactement la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous devons donc réintroduire des choix conscients dans la vie des gens. Nous devons aider les gens à comprendre qu'ils ont le droit de choisir, que ce soit en ce qui concerne les vaccins, les systèmes financiers, la surveillance et tout le reste. Nous devons donc donner aux gens les moyens de comprendre ce qui se passe, car tout est dissimulé et manipulé. Et nous devons trouver un moyen de revenir pacifiquement aux fondamentaux. Nous devons restaurer la démocratie comme nous ne l'avons jamais eue auparavant. Et quel est le premier pas à faire pour être à nouveau une personne consciente ? Apprendre, comprendre et être prêt à voir ce qui se passe. Sans cette volonté, ce n'est pas facile. Je le comprends, surtout quand quelqu'un a vécu dans l'illusion que tout va bien, que tout est parfait, que nous vivons dans un pays où une société prospère. C'est alors une prise de conscience très difficile, un réveil très difficile pour chacun de faire face à la réalité. Mais c'est un choc dur qui ne peut être évité, car sans lui, personne ne peut vraiment entrer dans le pays de la conscience et prendre des décisions claires. Je voudrais vous donner un exemple. Si vous regardez ce qui se passe avec cette thérapie expérimentale basée sur le gène de l'ARN messager, il était très facile de suivre le narratif et une propagande très efficace a été délibérément créée. Vous savez qu'il y a eu une propagande très efficace. Ils ont beaucoup appris sur la manière de manipuler la population pour qu'elle accepte ce genre de choses. Pour la plupart des gens, c'était naturel. Ils suivaient simplement le courant. Ils faisaient simplement ce qu'il fallait, les bons citoyens, pas de mauvaises intentions. Mais ils n'étaient pas vraiment prêts à regarder en coulisses ou prêts à investir du temps parce qu'ils n'en avaient pas. Parce qu'ils n'en avaient pas la possibilité. Et soyons honnêtes, il y a encore aujourd'hui une très forte censure. Grâce à vous et à d'autres médias alternatifs, de nombreuses personnes se réveillent, viennent de notre côté, et ces personnes ne retourneront plus jamais de l'autre côté. Dès que quelqu'un commence à comprendre ou avoir un petit doute sur les systèmes et les événements auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, ils ne reviendront plus de l'autre côté. Même si c'est difficile, ils verront et comprendront de plus en plus. Et c'est le niveau de conscience que nous devons vraiment atteindre, car sinon, ça peut revenir en arrière à tout moment. Peu importe ce que nous réalisons et comment nous pouvons arrêter les soi-disant vaccinations ou atteindre la légalité au sens réel avec une vraie démocratie. Si nous n'atteignons pas ce niveau, que chacun soit vraiment conscient et intéressé à comprendre que c'est à nous de faire en sorte que cela se produise. En général, on dit « Je ne suis qu'un seul des milliards d'habitants de la Terre. C'est suffisant !» Si tous les individus se réunissent, n'est-ce pas? Il n'en faut pas plus, juste un seul. Chaque individu qui est prêt, et c'est très important. Bien parlé. Parlons un peu des parents. Les parents aiment leurs enfants et veulent tout faire pour qu'ils soient en bonne santé, protégés et en sécurité. Or, il y a un narratif très fort dans les médias et plusieurs institutions européennes recommandent également de donner le vaccin COVID aux enfants. Pour ma part, j'ai parlé à de nombreux parents qui sont très incertains de ce qui est juste. D'un côté, ils entendent dire que les vaccins sont très importants pour protéger les enfants, et de l'autre, des voix s'élèvent pour exprimer leur grande inquiétude quant aux effets secondaires possibles. Que peuvent donc faire les parents pour s'informer et prendre une décision en connaissance de cause pour eux et leurs enfants? Bon, ils peuvent visiter le site de Children Health Defense et non seulement consulter les informations qui y sont disponibles, mais aussi trouver des sources qu'ils peuvent vérifier eux-mêmes. Ne nous faites pas confiance, ne me croyez pas. Ne croyez aucun d'entre nous. Allez vérifier par vous-même. Le simple fait que l'EMA, l'Agence européenne des médicaments, propose et recommande maintenant d'utiliser cette thérapie génique par ARN messager chez les nourrissons dès l'âge de 6 mois. C'est incroyable, car ce prétendu vaccin a été mis sur le marché en moins de temps que toute autre chose. Mais comme nous l'avons vu, ils n'ont manifestement pas été capables, et ils l'admettent même, ils n'ont même pas été capables de tester si ça empêchait quelque chose ou non. C'est un bon exemple, et nous l'avons dit. Et il y avait beaucoup de gens qui le disaient depuis des années. Et bien sûr, ça a été passé sous silence et censuré, tout comme l'origine du virus. La censure était silencieuse. Tous ceux qui mentionnaient la souche de Wuhan étaient bloqués sur Facebook et tous les médias sociaux. Et maintenant, il s'avère qu'en fait, c'était la vérité. C'est la même chose pour la contagion, qu'elle soit évitée par la vaccination ou non. Vous savez, certains grands scientifiques autour de nous le savaient déjà avant même que le vaccin ne sorte. Ils ont été censurés. Or maintenant, comme l'explique en riant Mme Schmal de Pfizer, c'est avéré. Oh, nous n'avons pas fait de test, comment aurions-nous pu le faire? Mais si on écoute le narratif et les politiciens, qui ne devraient pas être les décideurs de notre santé, si on écoute les politiciens et tous les discours de propagande, c'était le message principal. Protégez-vous, protégez les autres, c'est votre devoir de citoyen. Et nous connaissons bien sûr aussi les dégâts que causent ces prétendus vaccins. C'est pourquoi je pense que c'est une nécessité absolue de s'informer soi-même, en tant que parent, pour le bien de son enfant. Et je ne souhaite à aucune des mères ou à aucun des pères de devoir vivre la douleur que ressentent les parents de ce petit garçon qui est mort après avoir reçu deux vaccins Pfizer. En commençant par le sentiment de culpabilité et tout le reste. Nous devons nous assurer également de soutenir ses parents pour qu'ils puissent traverser cette situation très difficile. Cela nous fait vraiment avancer pour aider d'autres enfants et pour sauver tous les enfants des tragédies identiques ou similaires. C'est très important. Vous jouez un rôle central dans la défense de la santé des enfants ici en Europe. Pourquoi la protection de la santé des enfants est-elle si importante pour vous personnellement? Défendre la santé des enfants, la santé des parents, la santé des grands-mères et des grands-pères et dévoiler la vérité. Car le plus grand poison auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, ce sont tous les mensonges qui nous entourent. Ils nous entourent en matière de santé. Ils nous entourent et nuisent à la génération future. Mais ils nous entourent aussi et font du mal à tout le monde sur la Terre. Et bien sûr, nous voulons laisser cette Terre à la prochaine génération dans l'état où nous souhaiterions qu'elle soit. Quelle est donc votre vision pour cette Terre? Celle que vous voulez laisser aux plus jeunes? Un environnement vrai et aimant, dans lequel ils peuvent trouver librement leur voie individuelle, dans un environnement libre.